Bonjour à tous et bienvenue pour la deuxième saison de Mi-Science Impossible. Notre mission, vous expliquer les phénomènes scientifiques du quotidien et mieux encore, le fonctionnement passionnant de nos industries. Pour cela, nous disposons de 30 minutes au cours desquelles nous expliquerons, discuterons et viendrons à votre rencontre pour percer des mystères scientifiques. Mais qui sommes-nous ? Une équipe d'étudiants ingénieurs de l'ENSIC, totalement animée par les sciences. Notre école, l'ENSIC, vous la connaissez, présente à Nancy depuis 1887. Elle se situe près de la pépinière. Son credo, c'est de transmettre les méthodes physiques et chimiques qui permettent de transposer à l'industrie ce qui se passe à l'échelle du laboratoire. Rien ne lui échappe. Chimie, énergie et environnement, tous les grands enjeux actuels sont concernés. Alors j'espère que vous êtes prêts à nous suivre dans nos nouvelles aventures. Aujourd'hui, nous avons trois chroniqueurs. Nous avons Laurie. Bonjour. Léa. Salut. Et Axel. Salut à tous. Et aujourd'hui, c'est Léa qui va commencer à nous parler. Comme toujours, quoi, finalement. Et oui. Donc, je sais pas si vous êtes un peu comme moi ou non, mais quand je fais ma lessive, je mets des capsules et j'ai toujours des soucis. En effet, j'ai des résidus de la capsule qui se collent sur mes habits et je comprends jamais pourquoi. Je me suis toujours demandé si j'utilisais mal ces capsules, mais bon, après, je me suis dit que juste balancer des capsules dans une machine, c'est pas censé être trop compliqué, ou peut-être que la machine, l'eau de ma machine a été pas assez forte pour dissoudre donc bien les capsules. Et donc, enfin bref, je me suis demandé si les capsules de lessive étaient vraiment efficaces. Alors pour ce faire, je me suis dit que j'allais faire des petites recherches sur l'efficacité des différents moyens pour faire sa lessive. Donc alors, petite question pour les chroniqueurs. Comment vous faites vos machines? Alors surtout, ne me dites pas avec une machine à laver, hein, mais est-ce que vous êtes plutôt liquide, solide, capsule, ou peut-être que c'est votre mère qui fait vos machines, hein? Alors moi, j'avais pendant une période acheté une gargouille. C'est les espèces de petites boules que tu mets dans la machine. Ah oui, je connais. Mais je sais pas trop si ça marche, alors du coup j'ai arrêté et j'utilise la lessive liquide. Ok. Moi, pendant un temps, j'avais des capsules, mais pareil, ça me faisait des traces sur les vêtements, donc je suis passée au liquide, c'est beaucoup plus simple. Ok, et toi David? Moi, je suis passée au liquide aussi. Ok, bon, en fait, on a beaucoup de personnes qui font du liquide. Est-ce que vous faites vos lessives liquides tout seul ou vous les achetez? Ah non, je les achète. On les achète. Je les achète. Aussi, ok. Bon, mais en fait, on va aborder d'abord quatre points essentiels lors de cette chronique. Donc, le prix, l'efficacité, l'environnement et la facilité d'utilisation. Parce que quand on est étudiant, on a un peu la flemme de galérer avec la lessive. Donc moi, perso, j'aime bien savoir que mon linge, il sent propre. Donc pour cela, je suis très vite attirée par les marques qui proposent de la lessive ayant des odeurs, lavande ou même coton. Enfin, bref, toutes les odeurs de propre. Cependant, ces parfums, ils sont pas très bons pour la peau. Je sais pas si vous le savez ou non. C'est logique quand tu le dis, mais oui, sur le coup, on n'y pense pas forcément. Si, parce que moi, j'ai ma petite sœur qui fait beaucoup d'allergies à certaines lessives. Ah oui, voilà. Et pour cela, en fait, la lessive liquide, comme vous l'avez compris, en général, on ajoute beaucoup d'allergènes, tels que le parfum ou même les conservateurs. Et ces allergènes, ils sont très dangereux pour la peau, surtout pour les peaux sensibles et pour l'environnement aussi, c'est pas foufou. En effet, quand on achète une lessive liquide, on conserve surtout cette lessive dans des bacs en plastique qui polluent énormément. On n'arrive pas souvent à les recycler. Du coup, parlons maintenant de l'efficacité de la lessive liquide. La lessive liquide, elle est surtout efficace pour le linge délicat, car la lessive, elle est prédiluée. Mais au niveau du prix, ça ne vaut pas vraiment le coup. En effet, pour la lessive liquide, il faut compter à peu près 50 centimes par lavage en moyenne. Elle est plus chère du coup que la lessive qui est solide. Donc pour tenter de diminuer le coût, vous pouvez faire chez vous la lessive liquide. Bon, comme vous m'avez dit, vous ne l'avez jamais fait. Mais pour cela, il faut juste quelques ingrédients. Du carbonate, du savon de Marseille, de l'eau ou même un peu de parfum. Et là, si vous voulez un peu de parfum, vous avez juste à mettre des huiles essentielles. Si vous voulez, je vous apprendrai parce que moi, je la fais ça chez moi. Mais bon, en fait, on va garder un petit souvenir que notre lessive, elle est assez facile à utiliser. Même en général, on la surdose. Donc comme vous, je pense que vous utilisez quand même... Enfin, un pot de lessive, ça vous fait quand même pas mal de temps. Oui, oui. Ça oui, dure plusieurs moins... semaines, plusieurs mois même. Oui, plusieurs mois. Ouais, mais en général, est-ce que vous surdosez, vous respectez vraiment le petit surdoseur? Non, en vrai, je fais un peu au feeling et juste quand je vois que mon linge il est très sale, j'essaie de regarder un petit peu les recommandations. Ok. Bon, en fait, bilan du coup de cette lessive liquide, on peut lui mettre à peu près une note de 2 sur 4 parce que bon, finalement, sur l'environnement, c'est pas foufou. Et concernant la lessive solide, elle est beaucoup moins onéreuse puisqu'une lessive, ben, elle vous coûtera à peu près, enfin, ça vous coûtera à peu près 40 centimes et elle est beaucoup plus efficace que la lessive liquide, surtout utilisée pour des vêtements très sales ou même blancs, parce qu'elle libère de l'oxygène actif et permet aux vêtements blancs de garder leur teinte et d'éviter de s'assombrir. De plus, l'emballage de cette lessive, ben, elle est beaucoup plus écologique, puisqu'en général, on utilise des cartons ou tout ce qui est emballage en carton pour la conserver. Cependant, ben, lorsqu'on l'utilise à une température qui n'est pas appropriée, la lessive, elle forme des bouchons collants et forme des dépôts qui encrassent la machine. Donc ça non plus, c'est pas foufou pour notre machine. Il faut aller payer un opérateur, c'est pas ouf. Du coup, pour cela, ben, je pense que pour un petit bilan, on peut mettre cette lessive une note de 3,5 sur 4, ce qui est déjà pas mal. Donc Axel, quand t'auras trop de linge sale, t'as qu'à utiliser de la lessive solide et pas surdosée. Et pour finir, ben, le pire moyen, ça reste les capsules. Donc moi, les capsules, comme vous l'avez compris, je déteste parce que j'en ai marre d'avoir tout le temps des résidus sur mes habits. Et au prix des habits que je paye, ça m'énerve. Et pourtant, ces capsules, elles sont considérées comme innovantes. Et pourtant, elles sont quand même très très chères. Je ne sais pas si vous avez fait attention que c'est quand même la lessive la plus chère. Vous n'avez jamais fait attention Non, mais ça ne me surprend pas parce que ça demande quand même des moyens de stockage, un emballage en plus. Bah ouais, c'est vrai que ça demande un emballage en plus, mais bon, normalement, cet emballage, il se perce avec l'eau, enfin, il y a une affinité et tout. Et en fait, elles sont très chères parce qu'en fait, elles sont surtout composées d'énormément de tensioactifs. Et du coup, cette lessive, elle est quand même assez nocive pour le corps parce que pareil, il y a beaucoup d'allergènes. Et donc, elle est nocive pour le corps et pour l'environnement. Du coup, je pense qu'une même 1 sur 4, c'est quand même pas mal. Du coup, en bilan, je pense qu'il vaut mieux acheter de la lessive qui est quand même solide pour son portefeuille, mais aussi pour la planète et surtout pour la peau et pour les personnes qui ont les peaux sensibles. Merci beaucoup, Léa, pour cette chronique 3 en 1. J'en ai appris plus sur le fonctionnement passionnant de nos industries. Mais attendez une minute, ça cocotte un peu ici, non ? Allez, vas-y, Axel, parle-nous de ta chronique. Alors, vous le savez peut-être pas, mais moi je suis quelqu'un qui est plutôt animé par la cuisine, et ça c'est depuis que je suis tout petit. Et pour autant, c'est seulement en grandissant que j'ai compris que c'est grâce aux sciences notamment qu'on a certains outils qu'on peut utiliser aujourd'hui. Et c'est notamment le cas pour la cocotte minute. Vous en avez tous probablement utilisé au moins une fois, sauf si votre spécialité sont les pâtes au beurre, hein, bien sûr. Mais dans tous les cas, est-ce que vous savez que la vapeur d'eau sort de la cocotte ? Dans tous les cas, vous savez bien que la vapeur d'eau sort de la cocotte pendant la cuisson, et c'est d'ailleurs le fameux pshh qu'on entend. La cocotte est équipée d'une petite pièce métallique qui soulève pour laisser s'échapper la vapeur. Et saviez-vous que c'est le poids de cette pièce qui détermine la température dans la cocotte ? Non. Alors, pour comprendre cela, prenons l'exemple d'une casserole d'eau. À 100 degrés, mon eau, elle commence à bouillir. Et ça, c'est valable parce que la pression de l'air dans la cuisine est celle de la pression atmosphérique. Par contre, quelque chose que vous ignorez peut-être, c'est qu'à la montagne, la température d'ébullition de l'eau est plus faible. Et ça, c'est parce que la pression atmosphérique est un peu plus faible en altitude qu'au niveau de la mer. Le fait que la pression soit pas exactement la même, vous l'avez probablement remarqué. Souvent, dans les stations de ski, les paquets de chips se sont gonflés. Tout simplement parce que les chips ont été fermés hermétiquement à une certaine pression au niveau de la mer, et qu'en altitude, la pression est plus faible, et donc le paquet gonfle. Bon, ce que ça change pour ma température d'ébullition, c'est que pour des pressions plus faibles, celle-ci est plus petite. En fait, il faut que vous compreniez que les molécules d'eau, elles sont comprimées par la pression environnante. C'est pourquoi on trouve l'eau sous forme liquide à une température ambiante et pression atmosphérique. En revanche, si la pression diminue, les molécules d'eau, elles sont moins comprimées entre elles. Et en chauffant, on leur apporte de l'énergie pour qu'elles deviennent vapeur. Mais si les molécules sont déjà moins comprimées parce que la pression est plus faible, alors il faudra moins la chauffer. Et finalement, c'est ce phénomène-là qu'on a dans la cocotte. En fait, la petite pièce métallique qui se soulève, elle subit deux forces qui s'opposent. La première, c'est la gravité. C'est ce qui fait qu'elle est attirée par le sol. Et lorsque l'on chauffe dans la cocotte minute, la pression augmente. Et cette force de pression s'exerce sur toute la surface de la cocotte. Et également sur notre petite pièce métallique, qui cette fois est repoussée vers l'extérieur. Et finalement, celle-ci, elle est attirée à la fois par le sol, par la gravité, et vers le ciel, par la force de pression. Et lorsque la pression est suffisamment grande, celle-ci est plus forte que la gravité, et la pièce se soulève, laissant la vapeur d'eau s'échapper. Ainsi, plus la pièce métallique est lourde, plus il vous faudra de pression pour la faire se soulever. Et comme la pression est plus élevée, alors la température à l'intérieur de la cocotte sera plus grande. En général, la température d'ébullition dans la cocotte, c'est d'environ 120 degrés. C'est pourquoi je ne vais pas vous faire un dessin, mais il vaut mieux utiliser une cocotte pour cuire plus vite vos aliments. Merci beaucoup Axel pour ta chronique, mais après tout ça, je pense qu'il faut quand même un peu relâcher la pression. Alors tout de suite, on écoute Jessica Darro avec Surface Pressure sur Radio Fadjet 94.2. I'm the strong one, I'm not nervous, I'm as tough as the crust of the earth is. I move mountains, I move churches, and I glow 'cause I know what my worth is. I don't ask how hard the work is. Got a rough, indestructible surface. Diamonds and platinum, I find them, I flatten them. I take what I'm handed, I break what's demanded. But under the surface, I feel berserk as a tightrope walker in a three-ring circus. Under the surface, was Hercules ever like, yo, I don't wanna fight Cerberus? Under the surface, I'm pretty sure I'm worthless if I can be of service. A flow or a crack, the straw in the stack that breaks the camel's back. What breaks the camel's back? It's fishing like a drip, drip, drip that'll never stop. Whoa. Fishing that'll tip, tip, tip till you just go pop. Whoa. Oh. Give it to your sister, your sister's older. Give her all the heavy things we can't shoulder. Who am I if I can't run with the fall? If I fall too, pressure like the drip, drip, drip. Since I worry something is gonna hurt us. Under the surface, the ship doesn't swerve as it heard how big the iceberg is. Under the surface, I think about my purpose. Can I somehow preserve this? Light up the dominoes, the light wind blows. You try to stop it, toppling, but on and on it goes. But wait, if I could shake the crushing weight of expectations, would that free some room up for it? Merci de nous écouter sur Fadjet dans l'émission exceptionnelle de Mission Impossible. Si vous nous rejoignez seulement, deux chroniques ont déjà été faites par Axel et Léa. Si vous les avez loupées, ne vous inquiétez pas, vous pourrez les retrouver en podcast sur YouTube ou sur le site de Fadjet. Laurie, je pense que c'est maintenant à toi de nous parler de ta chronique, en espérant que tu ne nous noies pas. Hein. Oui, donc moi aujourd'hui je vais vous parler d'hydrographisme. Non, c'est pas du dessin à l'eau, rien à voir. L'hydrographisme, c'est aussi appelé water transfer. Alors, je vais poser la question au chroniqueur. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être, tout simplement ? C'est du graphisme dans l'eau. Est-ce que c'est pas, tu sais, les espèces de filtres que tu mets sur l'eau, là ? Et tu trempes ta casserole, un truc dessus, et le filtre, il vient s'imprimer sur le... Oui, c'est exactement ça, Axel. Bravo. Qu'est-ce que je suis chaud. Alors que Léa, moyen. C'est un point pour le quiz de la fin d'émission, c'est ça ? On verra si t'es en retard ou pas. Non. Donc, ce procédé, il est aussi appelé hydrodiving. Ça vient de l'anglais diving, qui veut dire plonger, et hydro, qui se réfère à l'eau. Et le procédé de l'impression hydrographique, c'est une technique d'impression par immersion et transfert à l'eau. En gros, on plonge un objet à travers un film ancré posé à la surface de l'eau et dissous avec un solvant. Et comme ça, on imprime ce qu'on veut sur l'objet. Donc, c'est parfait pour le tuning. Donc, ce procédé innovant de transfert hydrographique, c'est une technique d'impression par immersion avec des encres qui permettent l'application d'images et d'effets 3D par trempage dans l'eau. L'hydrodiping, c'est donc une méthode d'impression 3D qui fonctionne par l'immersion. J'ai l'impression que je répète trop la même chose. Qui fonctionne par l'immersion d'une pièce dans l'eau à travers un film hydrographique déposé à sa surface. Donc l'hydrotransfert, l'avantage c'est que ça s'applique à n'importe quel type d'objet à surface dure, à partir du moment où cette surface elle a été préparée. Mais du coup, comment ça fonctionne un peu plus en détail ? Donc l'objet qu'on va customiser, il doit être déjà parfaitement propre avant l'utilisation. Donc en préparation du procédé, on le nettoie avec des produits spécifiques qui éliminent tous les résidus, les graisses, les silicones qui peuvent altérer l'impression par hydrotransfert. Il faut donc être très précautionneux. On doit ensuite ajouter une sous-couche d'adhésion et on va la poncer avec une éponge abrasive et un peu de liquide vaisselle. Donc cette étape de ponçage, elle va servir à éliminer la tension de surface. Donc si vous souhaitez savoir ce que c'est, vous pouvez vous référer à la chronique d'Axel du début d'année. Donc c'est le phénomène en gros qui explique qu'une goule d'eau ne s'écrase pas et se maintient. Donc une fois que l'objet est propre, on applique une couleur de base sur l'objet à customiser. Ensuite, la première étape du processus de transfert hydrographique, c'est l'application de la couleur de fond. On ponce la surface pour que le film de transfert y adhère sans problème. Ensuite, le film hydrographique que l'on pose dans l'eau, il est composé d'encre imprimée sur une feuille d'alcool polyvinylique. En gros, c'est un dérivé d'alcool. Ce film, il est très fin et très léger. Donc du coup, quand on le dépose dans le bac d'hydrodiping, il va flotter à la surface de l'eau. Ensuite, avec un activateur à base de solvant, donc le solvant c'est une substance qui possède la capacité de dissoudre d'autres substances. Donc cet activateur à base de solvant, il va être pulvérisé sur le film et donc le film va être dissous. Ensuite, on plonge l'objet à travers la couche d'encre et donc cette couche d'encre, elle va se déposer et enrober tous les contours de l'objet. Après plusieurs immersions, l'impression par hydrographie, elle peut atteindre 100% de la surface de l'objet, y compris les petites aspérités, c'est-à-dire les petits trous ou les imperfections de l'objet. Donc après être retirée de l'eau, la pièce elle est rincée avec une eau tiède qui va la débarrasser des résidus de film. Et la pièce elle est ensuite séchée et enduite de vernis pour protéger le motif hydrographique. Donc pour réaliser ce procédé en industrie, par exemple, il faut environ un local de 100 à 200 mètres, avec une salle de préparation, de ponçage, une salle de peinture, une salle de trempage et toutes les autres étapes qui sont nécessaires. La phase d'hydrotrempage, elle peut se réaliser hors de la cabine des autres étapes. Cependant, lors de la pulvérisation de l'activateur, il faut qu'on ait une très bonne circulation d'air puisque les activateurs, c'est à 100% à base de solvant. En plus, les encres qu'on utilise, elles sont résistantes aux UV et leur résistance, elle est accrue avec les vernis qu'on dépose en surface à la fin. Donc c'est pour ça que ce sont des impressions qui vont durer très longtemps et qui sont très résistantes. Mais du coup, à quoi ça sert concrètement cette technique dans la vie de tous les jours? Elle est essentiellement utilisée pour les équipements militaires, les armes, les casques ou encore les intérieurs de voitures. Et les applications, elles restent quand même très multiples, comme les tableaux de bord ou les skis, ou vraiment, en vrai, tout ce qu'on veut. Donc pour finir, je vais dire que ce procédé, il n'est pas nouveau, puisque on utilisait déjà cette technique pour les habillages de certaines voitures depuis longtemps. Mais aujourd'hui, avec l'avènement des imprimantes 3D, on pourra plus facilement imaginer que l'impression hydrographique, elle va être un marché de plus en plus en essor dans les années à venir. Merci bien, Laurie, pour ta chronique. Merci de nous avoir éclaboussé de ton savoir. Maintenant, c'est l'heure du petit jeu habituel, donc c'est parti pour le fun. Alors, je vais vous poser une question, à vous de trouver les bonnes réponses. J'ai essayé de faire des liens avec vos chroniques. On va voir si vous connaissez bien vos sujets. Alors, tout d'abord, on va faire sur la lessive. Alors, j'aimerais savoir si vous saviez comment s'appelaient les dames qui, à l'époque, allaient laver leur linge. Est-ce que c'était les buandières, les lavandières, les blanchisseuses ou les lessiveuses? Les blanchisseuses, non? Peut-être. Peut-être. C'est le but de trouver la réponse, je pense. Moi, j'ai, Laurie, oui. En vrai, j'hésite avec les buandières, mais je vais quand même dire les lessiveuses. Les lessiveuses? Ouais. Mais après, il y a peut-être un truc... Mais toi, tu connais la réponse, Laurie, en fait. Peut-être que je connais la réponse. Mais elle est très cultivée, Laurie, c'est pour ça. Très cultivée, c'est pour ça. Les arbres de 350 mètres. Du coup, moi je connais la réponse, donc je sais pas si je peux la dire. Vas-y. Moi je dirais les lavandières. Mais tu es trop forte. Merci. C'est Laurie qui a gagné 2 points. Incroyable. C'était les lavandières. J'ai l'impression que le jeu est truqué. Ouais, moi aussi j'ai l'impression que le jeu est très très très truqué là. Pas du tout. Vous savez qu'à vous cultiver comme Laurie. C'était ta chronique, Léa. Bon, on va faire une autre question sur les cocottes minutes. Est-ce que vous auriez l'année de l'invention de la cocotte minute à me donner. Ok, l'année. Oui. Ah. Là, par contre, je sais pas. Vers 1960. Oh moi, non, je mettrais bien plus avant. Vieux, plus bien vieux. Avant. 1650. Ouais, moi, 1750. Et toi, Léa, tu restes sur 1000. Je pense que c'est pas une très très bonne réponse, mais bon, allez, 1800. Eh bien, c'est encore Laurie qui est la plus proche, avec 1679. Et j'y étais presque, hein. J'y étais presque. Et je te jure, je connaissais pas la réponse. Ouais. Je vous le jure. Mmh, ouais. C'est donc Laurie qui gagne pour l'instant, qui a le lead. On s'en fiche, elle gagne pas d'autres trucs. Non, je gagne rien d'autre, je gagne que ça. Si on continue sur l'autocuiseur, est-ce que vous savez le premier nom qu'il a eu? Est-ce qu'il s'appelait avant le digesteur, le ramollisseur ou le fumeur? Avant de s'appeler l'autocuiseur. Je vois bien le fumeur. Moi, je mettrais... Moi, je trouve que je suis sûre que c'est toi qui l'as inventé, le fumeur. Moi, je dirais le digesteur, parce que j'imagine que si ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est plus facile de digérer les aliments quand ils sont cuits que quand ils sont crus. C'est quoi, digesteur, ramollisseur? Moi, je dirais fumeur parce que ça sort de la fumée. Ramollisseur. Un petit genre de la vapeur. Parce que ramollisseur, ça fait vraiment gamin. Pour moi, c'est je pense ça très vendeur, hein, si tu veux. C'était en 1679, hein. Je tiens à préciser. Ouais, ben moi, je vais dire du coup l'autre, là, ramollisseur. Donc, vous avez dit chacun des droits. Ouais. Eh bien, vous aurez la réponse après la petite page de musique. On écoute tout de suite Mika et Underwater sur Radio Fadjet. Bursting through a blood red sky. Slow landslide, and the world we leave behind. It's enough to lose your head, disappear, and not return again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my call, you shot and leaving me. Now I know you're amazing. 'Cause all I need is the love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater. Blue sky with a space boy high from the world I leave behind. It's enough to lose my head, disappear, and not be seen again. When I fall to my feet, wearing my heart on my sleeve, all I see just don't make sense. You are the port of my. You shot and leaving me raw. Now I know you're amazing. The love you breathe. Put your lips on me and I can live underwater, underwater, underwater. Underwater. Merci de nous retrouver sur Radio Fadjet dans l'émission Mi-Science Impossible. Trois chroniques ont été faites par Laurie, Axel et Léa et vous pourrez les retrouver bientôt sur le site de Radio Fadjet ou en podcast sur YouTube. Nous étions à notre petit jeu et je vous ai posé une question sur le premier nom de l'autocuiseur. Donc vous avez dit soit le digesteur, le ramollisseur ou le fumeur et celui qui a la bonne réponse, c'est Axel. Allez. Avec le digesteur. C'est plus facile de digérer quand c'est cuit que quand c'est cru. D'accord. Je suis déçu de la réponse. Mais moi, je suis content parce que j'ai gagné. T'as. Maintenant, on va parler d'hydrographisme. Oui. Allez, c'est parti. Encore une date. Est-ce que vous savez quand a eu la première impression hydrographique? Quand a eu? Ouais, la première impression hydrographique qui a été faite. Putain, c'est hyper longtemps, je pense. Non, pas tant que ça. C'est pas. Enfin, elle a dit que c'était un procédé qui datait un peu, mais. Moi, je pense que ça doit faire. En 1950, moi, je dirais. Bah, c'est pas hyper vieux, 1950. Bah non, c'est récent. Bah oui, mais vieux dans le sens. Mais pour moi, à partir du moment où c'est plus vieux que mon père, voilà quoi. D'accord. Ton père, il est né après. Ah bah oui, je suis con. Bah oui. Bah moi, je vais dire 1890, allez. Moi, je vais aller entre les deux. Je vais dire 1925. Oula. Qui va gagner? Pas moi, je crois. Est-ce la pro des dates, soit Léa? Les fruits. Et bah, c'est toi qui as la bonne réponse, Léa. Parce que c'est en 1982. Tu as eu la première. C'est si tard que ça. C'est si tard que ça. Ça date pas d'il y a si longtemps. Je m'en fous, j'ai des points. Oui, t'as gagné un point. Oui, mais c'est quand même moi qui mène, là. Pour l'instant, tu mènes. Ouais. Mais t'as triché. J'ai pas triché, j'ai la réponse, c'est pas ma faute. T'as triché et pour celle-là, tu n'as pas le droit de répondre. Ah d'accord. Parce qu'on va reparler de lessive. Zut. Et je vais vous donner trois superstitions et vous allez me dire laquelle est fausse. Est-ce que il ne faut pas mettre de linge à sécher à l'extérieur entre le 26 décembre et le 6 janvier, sinon il y a un mort? Est-ce que le lavage est tellement rare et important que dans le temps, ça devait se faire en silence? Ou est-ce que si le drap d'un malade tombe à pic au fond de l'eau, ça veut dire qu'il va caner? Je pense à la dernière. Attends, quoi? Ça, Canet, c'est trois superstitions. Caner, c'est il va mourir. Quoi. Alors, une qui est on fausse. Sèche. Il y en a une qui est fausse. Il y en a qu'une seule qui est fausse. Oui. Ah, il y a une seule qui est fausse. Moi, je crois que c'était que celle qui était vraie. Non. Il y en a une des trois qui est fausse. Je pense celle du milieu, elle est fausse. Non, moi, je pense que c'est la première. Et du coup? Moi, je dis. Non, je dis rien. Laurie, tu n'as pas. Ou alors, tu peux parler et raconter ton anecdote. Non, je t'en prie. Celle qui est fausse, c'est la deuxième. Oh, je suis trop forte. On a une remontada de Léa. C'est, merci. Le lavage est tellement rare et important que ça devait se faire dans le silence. Et pas du tout. Non, en fait, c'était le lieu des papotages, des ragots. Chez ah, bah oui, putain, mais oui. Du coup, elle piaillait beaucoup. Elle a dit piailler. Elle a osé dire piailler. Elle caquettait. Elle cocotait. Elle cocotait. Oh. J'ai plus de synonyme. Je dirais rien, elle était vraiment nulle, la blague. Bref, merci de nous avoir attendés. Je voudrais dire que aujourd'hui les femmes ont 2 points et Axel n'ont qu'un point. Ce qui veut dire qu'elle gagne. Mais Axel, tout à l'heure, t'avais. Non, ça fonctionne pas. T'avais un point réclamé. Non, ça fonctionne pas. C'était pas le jeu. Même dans l'oreillette, tout à l'heure, tu m'as dit que c'était 1,01 point en plus. Donc non, ça me fait de moi le grand gagnant de cette émission. Vous êtes tous à égalité. voilà. Mais non, pas de... c'est la je parité pas. Ici. Bref. Cette fois-ci, merci de nous avoir écoutés sur Radio Fadjet. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et YouTube. Et puis, à dans 2 semaines sur Radio Fadjet. Salut! Amusez-vous bien à la foire.